Ambassadeur, c'est nous faire des femmes, nous pas camarader, maintenant quasiment ça nous dit feuille. Et puis d'ailleurs, musique pas nous, pas qu'à temps,